regardant vers le pays de France. Mon cœur est loin de l'indifférence. Mais capturé par l'amour, je laissé faire. Me voilà prisonnier volontaire. Par l'amour, je laissais faire.